Thank you. Bonne chance. Ah bah oui, dernière fois, Noël, écoute, t'es comme c'est le sein gauche, c'est une catastrophe. Non, non, le sein droite. Ok. Ouais, qui vole. Ok, comme ça. Oh putain. Oh putain. T'es petit, hein. Ah ouais. Oh, ça va être formidable. Allez. Demain, sur votre défaite, je crois que c'est votre madame, c'est l'autre cause de la politique.